Le secrétaire général du Parti démocrate équato-guinéen, Hieronimo Ossa-Ossa Ekoron, a fait parvenir un message au dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il. Le destinataire a formulé son hommage sublime au camarade Kim Jong-il, le plus grand saint qui a dirigé lucidement les affaires du Parti du Travail de Corée pour la prospérité du peuple coréen et souhaité plus grand succès dans le travail du Parti du Travail de Corée.